La civilisation qu'on a, c'est sûr qu'elle va s'effondrer. Il n'y a pas une civilisation sur Terre qui s'est pas effondrée. Elle se succède. C'est des cycles de vie puis de mort. Fait que, je veux dire, c'est comme un enfant. À un moment donné, il vieillit, il atteint un apogée, après il y a une décadence de la vieillesse, puis à un moment donné, il meurt, puis là, il y a d'autres humains. Il arrive qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est pareil pour toutes les civilisations. Mais c'est pareil, notre civilisation, même s'ils veulent faire une civilisation mondiale, ça a peut-être existé par le passé, mais ça a l'air que ça n'a pas marché. Ben oui, parce qu'elle est plus là pour Ben, tout ce qui nous reste, c'est des histoires, bon, c'est des une contes, là. mythologie qui est très Ben riche oui. avec la civilisation des Atlantes déchus et autres. Ouais, mais. Même dans toutes les cultures, ils ont toutes une version de Mané, il y avait une civilisation, puis c'était. Puis là, Mané, ça. Dans le fond, est-ce que c'est pas un reflet de ce qu'on est en train de faire là, plus archétypalement, puis que c'est lié à l'âme humaine? C'est enregistré dans notre âme comme un avertissement plus qu'une réalité du passé. Dans le fond, c'est peut-être le futur plus que le passé. C'est peut-être une projection. Donc. Le collectif, c'est sûr que ça. Tu sais, c'est pas des civilisations. C'est quoi qui fait une civilisation? C'est la communication. Mais l'être humain lui-même, il communique pas. Tu sais, c'est horizontal. C'est la communication horizontale. S'il n'y a pas de communication verticale, ce sera pas viable. Ça devient. Mortifère, dans le sens que ça se nourrit pas, ça a pas de source. Donc, c'est un peu comme les lois de la thermodynamique. C'est comme un corps qui se nourrit pas, il peut juste dépérir. C'est pareil les civilisations. Ouais, c'est sûr que si les civilisations ne sont pas alimentées d'un flux créatif qui, entre guillemets, vient d'en haut, le renouvellement n'est pas là, donc stagnation, puis il y a une déchéance, faute de renouvellement. Ah oui, puis là, ça veut dire des lois évolutives de la planète. C'est-à-dire que c'est comme un vieillard, à un moment donné, il est fini. Ouais. Fait que là, ça prend un autre. Il faut qu'il y ait une relève, des enfants. Mais si la race de cet homme-là est pas bonne, il va être infertile. Donc, il n'y aura pas Fait que. de relève. Ouais. Ben, ça va peut-être être une autre affaire. Tu sais, c'est pour ça, moi, que dans le fond, il y a des affaires que je regarde pas parce que c'est voilé. Puis il y a des raisons. Il y en a d'autres, bon, ils vont dire il y a mené l'apothéose. Mais là, c'est-tu nous autres comme on est là qui vit ça, est-ce qu'on est apte? Donc, c'est quoi, là? T'sais, c'est sûr que. C'est sûr qu'il y a des voiles. Puis que c'est occulté. Mais d'un autre côté, moi, je sens qu'il y a une réalité en arrière. Mais on est tellement barouettés par notre émotivité, premièrement. T'sais, on a un instinct de préservation. On projette ça sur le collectif, puis sur notre civilisation, puis sur nos enfants. Pourquoi que ça nous rend heureux, par exemple, d'avoir des enfants, des petits-enfants, puis c'est parce que c'est une façon de survivre? Oui, l'adulte peut vivre à travers l'enfant, c'est sûr que moi.